Bienvenue en 2030 glorieuse. Bon voyage. On se rendait pas compte à quel point notre existence, elle est d'abord relationnelle. Et ce que ça a mis à jour, là, cette question sur arrêter de lutter contre la solitude et permettre des espaces de soi à soi, peut-être dans des espaces un peu plus protégés, un peu plus organisés, un peu plus, tu vois, un peu comme, tu sais que c'est le moment où tu vas accoucher quand tu es une femme, bon, bah, tu vas dans un espace où on va t'accompagner, te sécuriser, tout ça, bah, là, tu sais que c'est un moment de solitude pour toi, bah, tu vas créer un moment de sécurité pour ça, avec un début et une fin, enfin, ça a sa place dans la société, en fait. Et on s'est rendu compte que le fait de sortir ce discours, ça a mis à jour autre chose, c'est l'isolement. Tu vois, autant on s'est rendu compte que la solitude, c'était quelque chose qui était lié à notre condition humaine, donc quelque chose ontologique, tu vois, c'est là, quoi. Et autant l'isolement, c'était une construction sociale, c'est-à-dire c'était vachement plus lié à tu vois, cette ligne, tu vois, quand tu construis, tu dessines les plans d'une maison, bah, tu vas dire, bon, ça c'est dedans et ça c'est dehors. Et nous, on avait construit dans notre société, on avait construit une société qui isole en fait, c'est-à-dire qui met dedans des choses qui n'ont rien à voir et qui même empêchent la relation. Et on avait gardé dehors des choses qui étaient super importantes pour la relation, genre la différence, tout ça, tu vois. Parce qu'en fait, on avait peur de l'autre. Et on n'avait pas compris que en musclant la confiance, on allait pouvoir redessiner ensemble ces lignes de fracture, qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui est dehors, et qu'en fait, c'était ça qui allait faire que le lien social allait être non pas un lien d'emprise, un lien toxique, un lien destructeur, parce qu'un lien, ça peut être ça aussi, mais que ça allait être un lien qui te permet de piocher dans tes ressources, qui te permet, enfin, de, tu sais, de ta créativité personnelle pour inventer le monde de demain, en fait, tous les possibles, et que ça te permet d'aller voir des gens que tu n'aurais jamais pensé aller voir sinon, que ça te permet de te dire... Ouais, l'avenir, il est beau, il est désirable, etc. Donc ça a décuplé notre pouvoir d'agir, notre capacité de coopération, parce qu'on savait que la transition, fallait y aller, mais tout seul, on n'allait jamais y arriver, donc il fallait y aller ensemble. Et en plus, ça nous a donné envie d'y aller. Et du coup, c'est à ce moment-là que, je crois que c'était dans les années 2020, et ben, on a dit, mais faut qu'on arrête avec la performance. En fait, notre valeur cardinale de société... Mais c'est pas récent, hein. C'est depuis que la société existe, en fait. La société, elle est profondément fiduciaire. La fiduciaire, ça veut dire fondée sur la confiance. La monnaie, c'est fiduciaire, ça veut dire fondée sur la confiance. En fait, notre société, elle est profondément fiduciaire, c'est-à-dire que la valeur cardinale qui doit être en permanence présente dans les raisons d'être de nos entreprises, dans les raisons d'être de nos institutions, de nos organisations, etc., c'est la confiance. Donc, c'est quelque chose qui doit se comprendre, s'enseigner à l'école. Et c'est comme ça. Que un, en fait, on a repassé toutes les raisons d'être des entreprises à l'aune de ça, tu vois. Donc on a dit, ok, si on veut pouvoir se faire confiance, c'est quoi les raisons d'être, c'est quoi l'utilité là de l'entreprise, et comment ça se décline à l'intérieur de l'entreprise dans le modèle organisationnel, etc. Et voilà, en fait, ça avait permis de rendre explicite aussi, tu vois. Et après, les choses, en fait, les entreprises, elles se dissolvaient d'elles-mêmes si leur raison d'être... voilà. Donc, en fait, ça a permis d'éviter toutes les violences qu'il y a, essayer de détruire le système. En fait, le système, il s'était détruit de lui-même, quoi. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuses, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe ou en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 Glorieuses pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir.